Chapitre 56e, sous la fenêtre. La cérémonie que nous venons de raconter, et qui, par ses fédérations partielles, avait pour but de relier entre elles toutes les communes de France, n'était que le prélude de la grande fédération qui devait avoir lieu à Paris le 14 juillet 1790. Dans ces fédérations partielles, les communes jetaient d'avance les yeux sur les députés qu'elles enverraient à la fédération générale. Le rôle qu'avaient joué dans cette journée du dimanche 18 octobre, Biot et Pitou, les désignait naturellement au suffrage de leurs concitoyens quand le grand jour de la Fédération Générale serait arrivé. Mais en attendant ce grand jour, tout était rentré dans les conditions de la vie ordinaire, dont chacun venait de sortir momentanément par la secousse qu'avait donnée aux calmes habitudes provinciales ce mémorable événement. Quand nous parlons des calmes habitudes provinciales, nous ne voulons pas dire qu'en province, moins qu'ailleurs, la vie ait son cours égayé par les joies ou assombrie par les douleurs. Il n'y a pas de ruisseau, si petit qu'il soit, depuis celui qui murmure sur l'herbe du verger d'un pauvre paysan, jusqu'au fleuve majestueux qui descend les Alpes comme d'un trône pour aller se jeter dans la mer comme un conquérant, qui naît sur sa rive, humble ou orgueilleuse, semée de pâquerettes ou brodée de villes, ses intervalles d'ombre et de soleil. Et si nous en doutions, après le palais des Tuileries où nous avons introduit nos lecteurs, la ferme du père Biot, où nous venons de les ramener, pourrait nous en donner un exemple. Non point qu'à la surface, tout ne parut calme et presque souriant. En effet, le matin vers 5 heures, la grande porte donnant du côté de la plaine où s'étend la forêt, l'été comme un vert rideau, l'hiver comme un crêpe sombre, la grande porte s'ouvrait. Le semeur en sortait à pied, son sac de froment mêlé de cendres sur le dos, le laboureur à cheval allant chercher dans les champs la charrue dételée au bout du sillon de la veille, la vachère, conduisant son troupeau mugissant, guidé par le taureau, majestueux dominateur, suivi de ses vaches et de ses génisses, parmi lesquelles marche la vache favorite, que l'on reconnaît à sa clochette sonore. Enfin, derrière eux tous, monté sur son vigoureux hongre normand, trottant l'amble, venait Biot, le maître, l'âme, la vie de tout ce monde en miniature, de tout ce peuple en abrégé. Un observateur désintéressé n'eût point remarqué sa sortie, et dans cet œil recouvert d'un sourcil sombre et interrogeant les environs, dans cette oreille attentive à tous les bruits, dans ce cercle décrit autour de la ferme et pendant la durée duquel son regard, comme celui d'un chasseur qui relève une piste et qui trace une enceinte, ne quittait pas un instant la terre, un spectateur indifférent n'eût vu que l'acte d'un propriétaire s'assurant que la journée sera belle et que pendant la nuit, loup pour ses bergeries, sanglier pour ses pommes de terre, lapin pour ses trèfles ne sont point sortis de la forêt, asile dans lequel peut seul les atteindre encore le plomb princier du duc d'Orléans et de ses gardes. Mais pour quelqu'un qui eût su ce qui se passait au fond de l'âme du brave fermier, chacun de ses gestes ou de ses pas eût pris un caractère plus grave. Ce qu'il regardait à travers l'obscurité, c'est si quelque rôdeur ne se rapprochait pas ou ne s'éloignait pas furtivement de la ferme. Ce qu'il écoutait dans le silence, c'est si quelque appel mystérieux ne correspondait point de la chambre de Catherine au bouquet de saules bordant la route ou au fossé séparant la forêt de la plaine. Ce qu'il demandait à la terre, interrogé si vivement par son regard, c'est si elle n'avait point gardé l'empreinte d'un pas dont la légèreté ou la petitesse eût dénoncé l'aristocratie. Quant à Catherine, nous l'avons dit, quoique le visage de Biot se fût un peu adouci pour elle, elle ne continuait pas moins à sentir, comme une gardienne effarée, passer autour d'elle à chaque instant la défiance paternelle. Il en résultait que pendant ces longues nuits d'hiver solitaires et anxieuses, elle en était à se demander si elle préférait qu'Isidore revînt à Boursonne ou demeura éloignée d'elle. Pitou, après avoir savouré avec un orgueil mélangé de tristesse son triomphe de capitaine, était retombé dans son état habituel, c'est-à-dire dans une douce et bienveillante mélancolie. Suivant sa régularité ordinaire, il faisait le matin sa visite à la mère Colombe. S'il n'y avait point de lettre pour Catherine, il revenait tristement à Aramon. Car il songeait que de la journée, Catherine, ne recevant point de lettres d'Isidore, n'aurait pas occasion de penser à celui qui les apportait. S'il y avait une lettre, au contraire, il la déposait religieusement dans le creux du sol et revenait souvent plus triste encore que les jours où il n'y en avait pas, en songeant cette fois que Catherine ne pensait à lui que par ricochet et parce que le beau gentilhomme que la Déclaration des droits de l'homme avait bien su priver de son titre, mais n'avait pu priver de sa grâce et de son élégance, était le fil conducteur par lequel il percevait la sensation presque douloureuse du souvenir. Cependant, comme il est facile de le comprendre, Pitou n'était point un messager purement passif, et s'il était muet, il n'était pas aveugle. À la suite de son interrogatoire sur Turin et sur la Sardaigne, qui lui avait révélé le but du voyage d'Isidore, il avait reconnu au timbre des lettres que le jeune gentilhomme était dans la capitale du Piémont. Puis enfin, un beau jour, le timbre avait porté le mot Lyon au lieu du mot Turin, et deux jours après, c'est-à-dire le 25 décembre, une lettre était arrivée portant le mot Paris au lieu du mot Lyon. Alors, sans avoir besoin d'un grand effort de perspicacité, Pitou avait compris que le vicomte Isidore de Charny avait quitté l'Italie et était rentré en France. Maintenant, une fois à Paris, il était évident qu'il ne tarderait pas à quitter Paris pour Boursonne. Le cœur de Pitou se serra. Sa résolution de dévouement était prise. Mais son cœur n'était point pour cela insensible aux différentes émotions qui venaient à l'assaillir. Aussi, le jour où arriva cette lettre datée de Paris, Pitou, pour se faire un prétexte, résolut-il d'aller placer ses collets sous la garderie de la Bruyère au Loup, où nous l'avons vu fructueusement opérer au commencement de cet ouvrage. Or, la ferme du Pisseleu était juste située sur la route d'Aramon, à cette partie de la forêt qu'on appelait la Bruyère au Loup. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que Pitou s'y arrêtât en passant. Il choisit pour s'y arrêter l'heure où Billot faisait aux champs sa course de l'après-midi. Selon son habitude, Pitou, coupant à travers plaine, allait d'Aramon à la grande route de Paris à Villers-Cotterêts, de la grande route à la ferme de Noue, et de la ferme de Noue par les rabbins à celle de Pisseleu. Puis il contournait les murs de la ferme, longeait les bergeries et les étables, et finissait par se trouver en face de la grande porte d'entrée, de l'autre côté de laquelle s'élevaient les bâtiments d'habitation. Cette fois encore, il suivit sa route accoutumée. Arrivé à la porte de la ferme, il regarda autour de lui comme eût pu faire Billot, et il aperçut Catherine à sa fenêtre. Catherine semblait attendre. Son œil vague, sans se fixer sur aucun point précis, parcourait toute l'étendue de forêt comprise entre le chemin de Villers-Cotterêts à La Ferté-Milon et celui de Villers-Cotterêts à Boursonne. Pitou ne cherchait point à surprendre Catherine. Il s'arrangea de manière à se trouver dans le rayon parcouru par son œil, et en le rencontrant, l'œil de la jeune fille s'arrêta sur lui. Elle lui sourit. Pitou, pour Catherine, n'était plus qu'un ami, ou plutôt Pitou était pour elle devenu plus qu'un ami. Pitou était son confident. « C'est vous, mon cher Pitou, » dit la jeune fille. « Quel bon vent vous amène de notre côté ?» Pitou montra ses collets roulés autour de son poing. « J'ai eu l'idée de vous faire manger une coupe de lapin bien tendre et bien parfumée, mademoiselle Catherine. Et comme les meilleurs sont ceux de la Bruyère au Loup à cause du serpolet qui pousse à foison, je suis parti longtemps à l'avance afin de vous voir en passant et de vous demander en même temps des nouvelles de votre santé. » Catherine commença par sourire à cette attention de Pitou. Puis après avoir répondu à la première partie de son discours par un sourire, répondant à la seconde par la parole, « Des nouvelles de ma santé ? Vous êtes bien bon, mon cher monsieur Pitou. Grâce aux soins que vous avez eus de moi quand j'étais malade et que vous avez continué de me rendre depuis ma convalescence, je suis à peu près guéri. » « À peu près guéri, » reprit Pitou avec un soupir. « Je voudrais bien que vous le fussiez tout à fait. » Catherine rougit, poussa un soupir à son tour, prit la main de Pitou comme si elle allait lui dire quelque chose d'important. Mais se ravisant sans doute, elle lâcha la main qu'elle tenait, fit quelques pas à travers sa chambre comme si elle cherchait son mouchoir. Et l'ayant trouvé, elle le passa sur son front couvert de sueur, quoi qu'on fût aux jours les plus froids de l'année. Aucun de ces mouvements n'échappa au regard investigateur de Pitou. « Vous avez quelque chose à me dire, mademoiselle Catherine ? » demanda-t-il. « Moi ? Non, rien. Vous vous trompez, mon cher Pitou, » répondit la jeune fille d'une voix altérée. Pitou fit un effort. « C'est que, voyez-vous, mademoiselle Catherine, Si vous aviez besoin de moi, il ne faudrait pas vous gêner. » Catherine réfléchit, ou plutôt hésita un instant. « Mon cher Pitou, dit-elle, vous m'avez prouvé que dans l'occasion, je pouvais compter sur vous. Et je vous en suis bien reconnaissante. Mais une seconde fois, je vous remercie. » Puis elle ajouta à voix basse, « Il est même inutile que vous passiez cette semaine à la poste. De quelques jours, je ne recevrai pas de lettre. » Pitou fut prêt de répondre qu'il s'en doutait, mais il voulut voir jusqu'où irait la confiance de la jeune fille envers lui. Elle se borna à la recommandation que nous venons de dire et qui avait tout simplement pour but de ne point faire faire tous les matins à Pitou une course inutile. Cependant, aux yeux de Pitou, la recommandation avait une plus haute portée. Ce n'était pas une raison pour Isidore de ne pas écrire que d'être revenu à Paris. Si Isidore n'écrivait plus à Catherine, c'est qu'il comptait la voir. Qui disait à Pitou que cette lettre datée de Paris et qu'il avait déposée le matin même dans le saule creux n'annonçait pas à Catherine l'arrivée prochaine de son amant? Qui lui disait que son regard perdu dans l'espace lorsqu'il était apparu et que sa présence avait ramené sur lui-même ne cherchait pas à la lisière de la forêt quelques signes qui indiquât à la jeune fille que son amant était arrivé? Pitou attendit, afin de donner tout le temps à Catherine de débattre avec elle-même s'il avait quelque confidence à lui faire. Puis voyant qu'elle gardait obstinément le silence, « Mademoiselle Catherine, dit-il, avez-vous remarqué le changement qui se fait chez M. Billot ?» La jeune fille tressaillit. « Ah ! Dit-elle, répondant à une interrogation par une autre interrogation, avez-vous donc remarqué quelque chose, vous ?»« Mademoiselle Catherine, dit Pitou, en prenant la tête, il y aura bien sûr un moment, quand cela je n'en sais rien, où celui qui est cause de ce changement passera un mauvais quart d'heure. C'est moi qui vous dis cela, entendez-vous ? Catherine pâlit. Mais n'en regardant pas moins fixement Pitou, pourquoi dites-vous celui et non pas celle ? Demanda la jeune fille. C'est peut-être une femme et non un homme qui aura à souffrir de cette colère cachée. Ah, mademoiselle Catherine, dit Pitou, vous m'effrayez. Avez-vous donc quelque chose à craindre ? Mon ami, dit tristement Catherine, j'ai à craindre ce qu'une pauvre fille qui a oublié sa condition et qui aime au-dessus d'elle peut craindre d'un père irrité. Mademoiselle, dit Pitou, hasardant un conseil, il me semble qu'à votre place, il s'arrêta. Il vous semble qu'à ma place ? Répéta Catherine. Eh bien, il me semble qu'à votre place. Ah, mais non, dit-il. Vous avez failli mourir pour une simple absence qu'il a faite. S'il vous fallait renoncer à lui, ce serait pour en mourir tout à fait. Et je ne veux pas que vous mouriez. Dussé-je vous voir malade et triste. J'aime encore mieux vous voir ainsi que là-bas, au bout du pleu. Ah, mademoiselle Catherine, c'est bien malheureux tout cela. Chut, dit Catherine. Parlons d'autre chose, ou ne parlons pas du tout. Voici mon père. Pitou se retourna dans la direction du regard lancé par Catherine et vit en effet le fermier qui s'avançait au grand trot de son cheval. En apercevant un homme près de la fenêtre de Catherine, Billot s'arrêta. Puis, sans doute reconnaissant celui à qui il avait affaire, il continua son chemin. Pitou fit quelques pas au-devant de lui, souriant à sa venue, se tenant son chapeau à la main. « Ah ah, c'est ici, Pitou ?» dit Billot. « Viens-tu demander à dîner, mon garçon ?» « Non, monsieur Billot, dit Pitou, je ne me permettrai pas cela, mais... » En ce moment, il lui sembla qu'un regard de Catherine l'encourageait. « Mais quoi ?» reprit Billot. « Mais si vous m'invitiez, j'accepterais. »« Eh bien, dit le fermier, je t'invite. » « Alors, répondit Pitou, j'accepte. » Le fermier donna un coup d'éperon à son cheval et rentra sous la voûte de la porte cochère. Pitou se retourna vers Catherine. « Était-ce là ce que vous vouliez me dire ? » demanda-t-il. « Oui. » Il est plus sombre encore aujourd'hui que les autres jours. Puis elle ajouta tout bas. « Oh mon Dieu, est-ce qu'il saurait ?»« Quoi, mademoiselle ?» demanda Pitou, qui si bas que parlait Catherine, avait entendu. « Rien, » dit Catherine, en se retirant dans sa chambre et en fermant la fenêtre.